Comment dit-on aller ? Ir. Oui, ir. Hein? Juste ir. Ir, c'est aller. Alors, je vais le faire, ça sera ? Bah... Je vais le faire. Ah oui, voy a hacerlo. Je vais, hein, je m'apprête ah, oui. À... Boya. Hein, boya. Hein. Ça se crie en deux mots, boy, a, mais à l'oral, on les prononce d'une traite. Hein, boya. Alors, encore une fois, je vais le faire. Boya hacerlo. Boya hacerlo. Hein, boya hacerlo. Et... Il ou elle va le faire. Va hacerlo. D'accord. Va hacerlo. Il faut prolonger ce premier A. Va hacerlo. Et ils vont le faire. Van a hacerlo. Van a hacerlo. Et nous allons le faire. Vamos a... Vamos a... Oui. Vamos a hacerlo. D'accord. Vamos a hacerlo.